Chapitre 19e. Partant de cette idée qu'il devait être tout entier à la marquise, comme il l'était en réalité, sans distraction et sans arrière-pensée, le colonel avait interrompu presque complètement toute relation avec son oncle Antoine et par conséquent avec Thérèse. Sans doute, cela lui était pénible. Et d'un autre côté, après l'empressement qu'il avait mis à nouer ses relations au moment de son arrivée à Paris, il était assez étrange que, sans raison apparente, il voulût les rompre tout à coup. Mais il n'y avait pas à s'arrêter à ces considérations, d'autres plus impérieuses lui faisant une loi d'agir ainsi. Il ne pouvait pas passer les jours de la semaine auprès de Madame de Lucilière et le dimanche auprès de Thérèse, allant de l'une à l'autre, courant chez celle-ci en sortant de chez celle-là. Il fallait choisir, et ce choix s'était fait de lui-même, à son insu, presque involontairement. Il devait volontairement le confirmer maintenant, il le devait. Pour lui d'abord, par délicatesse et loyauté envers la marquise, puis pour Thérèse, car les paroles de Madame de Lucilière, qui avait si pleinement répondu à son propre sentiment, lui étaient souvent revenues à la pensée. Que serait-il arrivé si Thérèse était éprise d'amour pour lui? Qu'arriverait-il maintenant qu'il ne pouvait qu'être insensible à cet amour? Sans s'imaginer qu'il était irrésistible et qu'il devait fatalement porter le trouble dans le cœur de celle qui l'approchait, il n'était nullement insensé d'admettre que Thérèse pouvait se laisser attirer vers lui, alors surtout qu'il vivrait dans une intimité plus ou moins étroite. Elle avait des dispositions romanesques, avec son cœur tendre, les choses pouvaient aller vite. Il ne fallait donc pas que cette intimité s'établît, et celle qui avait existé jusqu'à ce jour devait être interrompue. Rien n'indiquait que Thérèse eût encore subi cette influence. Il fallait, pendant qu'il était temps, se placer dans des conditions où elle ne pourrait pas se développer. Enfin, pour Antoine même, il y avait jusqu'à un certain point avantage à le voir moins souvent. Les révélations du juge d'instruction avaient porté un coup terrible à ce malheureux père. Son fils était-il coupable d'avoir voulu faire assassiner le colonel ? C'était la question qui hantait son esprit et qui, le jour comme la nuit, se dressait à chaque instant devant ses yeux. On pouvait dire, sans exagération, qu'il n'avait pas d'autre pensée, et que pour lui, tout tournait autour de cette terrible interrogation. Abandonnant presque entièrement les études et les occupations qui avaient été le but constant de sa vie, il s'était jeté à corps perdu dans son travail manuel et jamais, même au temps de sa jeunesse, il n'avait abattu autant de besogne. Il semblait qu'il voulût se fatiguer, s'épuiser, et se mettre ainsi dans l'impossibilité de réfléchir à autre chose qu'à ce qu'il faisait. Mais cette terrible interrogation revenait toujours s'imposer à lui, et toutes les fois qu'il voyait son neveu, c'était pour l'interroger à ce sujet. Où en était l'instruction? La complicité d'Anatole était-elle prouvée? Ni sa complicité, ni son innocence. L'instruction était arrêtée. L'assassin étant mort, la justice était restée fort embarrassée. Il lui aurait fallu mettre la main sur les complices, et c'était précisément ce qu'elle n'avait pu faire. Avant tout, il aurait même fallu trouver ses complices, et c'était ce qu'elle n'avait pas découvert. Des soupçons, des inductions, voilà tout, rien de positif, pas un fait matériel qui pût servir de point de départ à une accusation fondée. La lettre sur laquelle M. le Méauté avait échafaudé tout son système, en prétendant qu'elle n'était point écrite par cette femme nommée Adélaïde, qu'il avait signée, mais qu'elle était du Fourier lui-même, cette lettre, qui jusqu'à un certain point était une charge contre Anatole, avait perdu presque toute valeur car on avait reconnu, en consultant le dossier du Fourier, que l'écriture du célèbre brigand n'était pas du tout la même que celle de la lettre. Les experts en écriture étaient unanimes sur ce point. Quant au Fourier lui-même, qu'on eût pu peut-être faire parler en l'interrogeant habilement, on ne l'avait pas trouvé. La police s'était déclarée impuissante et pour sauvegarder sa position, elle allait même jusqu'à soutenir que si elle ne trouvait pas le Fourier, c'était par cette excellente raison qu'il n'était certainement pas à Paris et très probablement pas en France. Bien entendu, M. le Méauté n'admettait pas cette explication. Pour lui, le Fourier était à Paris et c'était lui qui avait conçu et arrangé l'assassinat du colonel au profit d'Anatole, son complice. Mais c'était là une conviction morale, l'entêtement d'un homme qui a chaussé une idée et qui ne veut pas l'abandonner. En réalité, rien, absolument rien de matériel, qui vint montrer que la main d'Anatole avait pu se trouver dans cet assassinat. Il fallait donc reconnaître qu'il était innocent, car ce n'est pas la culpabilité qui se présume, c'est l'innocence. Il est absurde de soutenir qu'un héritier est nécessairement un assassin. Cependant, Antoine ne s'en était pas tenu à ses réponses de son neveu chaque fois qu'il l'avait vu, il l'avait pressé de questions à ce sujet. Si, de son côté, le juge d'instruction cherchait la certitude de la culpabilité, le père, du sien, cherchait la certitude de l'innocence. Ils étaient aussi obstinés l'un que l'autre. À tous deux, il fallait une preuve quand même, et cette preuve, précisément, paraissait impossible à obtenir aussi bien pour celui-ci que pour celui-là. Mais leur situation n'était pas la même. Ce qui était dépit chez le juge était douleur et désespoir chez le père. Tout ce qui pouvait apporter un aliment à cette douleur devait donc être sévèrement écarté. Et par là, il était bon qu'Antoine ne vit pas trop souvent son neveu, car tout le temps qu'ils passaient ensemble, il l'employait à parler de ce triste sujet, le tournant et le retournant dans tous les sens, et sortant toujours de ses entretiens plus anxieux et plus tourmentés que lorsqu'il les avait abordés. Rien n'est plus doux, assurément, que de trouver de bonnes raisons pour justifier un acte douteux. Bien que le colonel n'eût aucune hypocrisie dans le caractère, il fut heureux de se prouver par le raisonnement que toutes sortes de bonnes raisons existaient pour l'empêcher de continuer des relations suivies, avec son oncle aussi bien qu'avec Thérèse. Elles furent sa justification. Il le fallait. La nécessité, l'intérêt, l'exigeait. Grand mot, dont on se paye trop souvent dans les moments difficiles et quand la conscience ne se sent pas tranquille. Cependant, avant de rompre, il voulut les réunir tous une fois auprès de lui. Puisqu'ils s'installaient à Paris, c'était bien le moins qu'il les invitât une fois chez lui. Ce fut peu de temps après la fête donnée pour l'entrée en possession de son hôtel qu'il eut l'idée de cette invitation. Bien entendu, il la communiqua à Madame de Lucilière, car il ne faisait rien sans la consulter, et surtout sans être bien certain qu'en prenant un arrangement, il ne perdait pas une occasion de la voir. Tout dans sa vie était subordonné à cette condition pour lui déterminante. La marquise voulut bien prouver cette idée. Évidemment, c'était un devoir à remplir envers ses parents. « Seulement, ne soyez pas trop aimable avec la petite cousine, » dit-elle. Comme il voulait se défendre, « Bien entendu, ce n'est pas pour moi que je parle, » ajouta-t-elle. « C'est pour elle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à Chalençon, lorsqu'elle voulait se faire votre garde-malade. Il ne faut pas qu'elle s'éprenne pour vous d'une passion malheureuse. » Car elle serait malheureuse, n'est-ce pas? Elle est sentimentale, la pauvre enfant, et si je ne me trompe pas, il est probable qu'en cette vie, elle sera victime de son cœur. Vous qui êtes plein de droiture et de loyauté, évitez-vous le remords de faire couler les larmes de ses jolis yeux. Ne l'empêchez pas d'épouser un brave homme qui la rendra heureuse. Il ne répondit rien à ses conseils, qui s'accordaient si bien avec ses aspirations, car il ne lui convenait pas d'avouer à Madame de Lucilière que comme elle, il craignait que des relations trop suivies avec Thérèse ne fussent fâcheuses pour celle-ci. Pour justifier ses craintes, il eut dû entrer dans des explications qu'il ne voulait pas donner, et cela autant par respect pour lui-même que pour Thérèse. Il se contenta de dire qu'il ne se croyait pas un vainqueur invincible, mais Madame de Lucilière le plaisanta à ce sujet. « Vous comprenez, dit-elle en riant, que ce n'est pas à moi qu'il faut compter ces choses-là. Et si la confession publique était de mode dans notre société, ce qui, je l'avoue, me paraîtrait fort intéressant, je pourrais expliquer par mon propre exemple combien vous êtes dangereux. Car enfin, j'espère que vous reconnaissez que, si je vous ai aimé, je n'ai pas cédé au premier venu, n'est-ce pas? Et que pour m'entraîner, vous deviez avoir certaines qualités extraordinaires. Gardez ces qualités pour moi, et ne les déployez pas pour la petite cousine. Présentement, c'est tout ce que je vous demande. » Si les circonstances avaient été encore ce qu'elles étaient au moment où le colonel prenait plaisir à emmener Thérèse aux courses du bois de Boulogne, peut-être n'eût-il pas compris Michel dans son invitation. Mais après les changements qui s'étaient faits dans ses sentiments et surtout dans ses intentions, il insista beaucoup pour que le jeune sculpteur accompagne ses amis, et il se fâcha presque du refus de celui-ci. « Pourquoi M. Michel ne veut-il pas venir dîner chez moi ? » demanda-t-il à Thérèse. « Je n'en sais rien. » « Ces raisons ne sont que des défaites. Il est évident que mon invitation lui est désagréable. Cela peut être. Michel n'est pas votre parent. Denisot non plus n'est pas mon parent et il se fait une fête de venir dîner chez moi. Denisot ne doute de rien. Il est partout à son aise. Michel a plus de fierté. » Un mot vint sur les lèvres du colonel. Michel est jaloux. Mais ce mot, il ne le prononça pas, car c'était précisément une situation qui lui convenait de laisser dans l'ombre. Et puis, de quel droit s'inquiéterait-il de savoir si Michel était ou n'était pas jaloux? Au temps où il pensait à prendre Thérèse pour femme, c'était une question qu'il pouvait poser. Mais maintenant, à quel titre s'inquiéter des sentiments que Michel pouvait ressentir pour Thérèse, ou celle-ci pour Michel? Le colonel avait voulu que cette réunion fût tout à fait intime, et avec son oncle et sa cousine, il n'avait invité que Sorieul et Denisot. Cependant, d'un autre côté, puisqu'il les invitait pour leur faire connaître son hôtel, il avait voulu que le dîner qu'il leur offrait fût servi avec le même luxe que s'il recevait les amis de Madame de Lucilière. En cela, il n'obéissait pas à la pensée vaniteuse d'un parvenu qui veut étonner les gens, car les étonnements de Sorieul ou de Denisot n'étaient pas pour flatter beaucoup son orgueil. Mais il voulait se donner le plaisir de leur révéler des jouissances pour eux inconnues. L'hôtel était illuminé du haut en bas, toutes les pièces étaient pleines de fleurs nouvelles et la table était dressée pour 5 convives comme elle l'aurait été pour 50, au moins avec le même apparat. « Est-ce que c'est tous les jours ainsi chez vous, mon neveu ?» demanda Antoine, s'arrêtant émerveillé au milieu du premier salon. « Je suis entré aux Tuileries en 1848, » s'écria Denisot, « mais, parole d'honneur, c'était moins chic. » Thérèse ne dit rien, mais elle restait les yeux mi-clos, les narines dilatées, les bras à moitié étendus, éblouis par l'éclat des lumières, enivrés par le parfum des fleurs, émus par cette révélation d'un bien-être et d'un luxe qu'elle ne soupçonnait pas. Pour Sorieul, il ne montra ni étonnement ni admiration, mais cassant une fleur de gardenia dans une jardinière, il la passa dans la boutonnière de son habit noir et s'installa en commandement dans un fauteuil, la jambe droite jetée sur le genou gauche, de manière à tenir son pied dans la main. Il entama tout de suite l'entretien par quelques compliments dont les adjectifs étaient choisis avec soin. Pendant le dîner, il fit bien entendu tous les frais de la conversation et tandis que Denisot éprouvait un véritable embarras devant les nombreux verres placés devant lui. Et pour simplifier les choses, tendait toujours son grand verre à tous les vins qu'on lui offrait, Sorieul ne se gênait pas pour parler au maître d'hôtel en l'appelant tout simplement « mon garçon ». Ce dîner fut pour ainsi dire un dîner d'adieu, à peu près comme si, à la veille de son départ pour l'Amérique, le colonel l'avait réuni pour une dernière fois ses parents, car bien qu'il restât à Paris, il ne les vit guère plus que s'il y avait eu l'Atlantique entre eux. Encore est-il certain que s'ils avaient été séparés par les mers, il aurait écrit à son oncle et à sa cousine, tandis qu'à deux pas il ne leur écrivait point. Qu'il ne pensa pas à eux, que son souvenir ne le porta pas, quelquefois auprès de Thérèse, dans sa petite chambre, ou bien sur les bords de la Marne, cela ne serait pas exact à dire. Souvent, au contraire, la petite cousine s'imposait brusquement à lui, et dans un éclair, il la voyait comme s'il avait été devant ses yeux. Mais enfin, il ne les visitait que rarement et jamais il ne leur écrivait. Qu'eût-il été faire rue de Charonne? Savoir ce qu'il pensait de son abandon? C'était précisément la question pour laquelle il ne voulait pas de réponse. Il y avait plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'il ne les avait vus, lorsqu'un jour Antoine lui écrivit un mot pour le prévenir qu'il viendrait déjeuner avec lui le lendemain matin. « Si demain ne vous convient pas, disait Antoine en terminant sa lettre, je vous prie de me fixer le jour où vous serez libre, car j'ai absolument besoin de vous voir pour vous demander un service. » « Un service ? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? De quel service Antoine pouvait-il avoir besoin ? » Il s'empressa de répondre qu'il serait à la disposition de son oncle, et il attendit le lendemain avec une véritable impatience. Antoine ne demandait pas volontiers des services. De quoi pouvait-il être question? Antoine arriva à l'heure dite, et tout de suite le colonel voulut l'interroger. « Déjeunerons-nous avec tout le luxe de valet que vous nous avez montré dans votre dîner ?» demanda Antoine. « Nous déjeunerons en tête-à-tête, si vous le voulez, » répondit le colonel. « Eh bien alors, nous parlerons de l'affaire qui m'amène en déjeunant, si vous voulez bien. » Le colonel donna des ordres en conséquence et bientôt ils s'assirent en face l'un de l'autre devant la table servie. « Peut-être vous êtes-vous douté de ce que je voulais vous dire, » commença Antoine. « C'est de Thérèse que je veux vous parler. Thérèse, de son mariage. Thérèse se marie. » Ce fut à peine s'il put prononcer ces trois mots tant sa surprise avait été vive, tant l'émotion l'avait serrée à la gorge. « Non, Thérèse ne se marie pas. » continua Antoine. Il respira. « Mais je voudrais qu'elle se mariât. et c'est pour cela que je suis venu vous demander votre appui. Mon appui, à moi. À vous, mon neveu, notre parent, notre ami, à elle comme à moi. » Antoine parlait tout en mangeant lentement, mais le colonel ne mangeait point. Il se versa un grand verre de vin, qu'il but pour faire passer le morceau de pain qu'il tenait et retournait dans sa bouche, sans pouvoir le mouiller de salive. « J'approche de la soixantaine, » continua Antoine, « mais quoique j'ai rudement travaillé dans ma vie, quoique j'ai aussi traversé des moments difficiles, j'étais il y a quelques mois plein de force encore et je n'avais jamais eu l'idée que je pouvais mourir. Depuis, malheureusement, il s'est passé une chose qui m'a éprouvé et qui m'a fait sentir que je n'étais pas plus solide qu'un autre. » Il s'arrêta et passa sa main sur son front comme pour chasser cette pensée, puis reprenant. « Enfin, je me suis dit qu'il était temps de s'occuper de ce qui pouvait arriver après moi. Que deviendrait Thérèse si demain je disparaissais ?»« Mais malgré le chagrin que vous avez éprouvé, » interrompit le colonel, « vous êtes resté vigoureux, mon oncle, tel en apparence que vous étiez lorsque je vous ai vu pour la première fois. Je ne dis pas que je dois mourir demain, mais que cela peut arriver, et que cette pensée que je n'avais pas, je l'ai maintenant. Et cela suffit pour qu'il soit sage de prendre ses précautions. » De plus, ce n'est pas seulement de maladie que je peux mourir. Je ne sais pas si, depuis que vous êtes en France, vous avez pu vous rendre compte de notre situation politique. Mais la vérité est que malgré son apparence de prospérité, l'Empire est fini. Il se tient encore debout, mais il est ruiné, pourri. Il ne peut pas durer longtemps maintenant. Un jour ou l'autre, l'occasion de l'abattre peut se présenter. Ce jour-là, il faudra que ceux qui ont la foi dans le cœur ne s'épargnent pas. Car il y a une telle indifférence générale, on s'est si bien déshabitué de toute initiative et de toute énergie, on s'est si bien laissé corrompre, que la masse sera difficile à entraîner. Vous savez ce qui revient le plus souvent à ceux qui se mettent en avant, une balle ou un coup de baïonnette. Cette perspective n'est certainement pas pour m'arrêter, mais tout en faisant son devoir, c'est un soutien de penser qu'on peut mourir pour son idée, sans nuire à ceux qu'on aime. Ce n'est pas être infidèle à sa patrie que de s'occuper de sa famille. Je serai plus tranquille si je sais que derrière moi le sort de Thérèse est assuré et qu'elle ne reste pas seule. Seule ? Interrompit le colonel que ce mot atteignit douloureusement. Oh ! Ce n'est pas en pensant à la misère que je parle, continua Antoine. Je sais que vous lui viendriez en aide généreusement. Mais ce n'est pas uniquement la misère qui est à craindre pour une jeune fille de l'âge de Thérèse qui reste sans père ni mère. C'est pour parer à ces dangers que j'ai pensé à la marier, afin de lui donner un soutien qui pût me remplacer, si je venais à lui manquer. Elle n'est plus une enfant, et quoiqu'elle soit bien jeune encore, elle est cependant d'âge à se marier. Avec cela, bonne petite fille, douce, facile à vivre, droite de caractère et toute pleine de qualités pour devenir une excellente femme. Cela, je puis le dire, car je la connais mieux que personne. Vous lui rendez justice. Je le pense. Mais ces qualités qui sont en elle la rendent précisément difficile à marier dans notre position, car il est bien certain qu'elle ne peut pas épouser le premier venu, et sous peine d'être malheureuse, un homme qui ne soit pas digne d'elle. Par bonheur, cet homme, je l'avais sous la main. Et je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que c'est Michel. Le colonel ne fut pas surpris, cependant il eut une contraction qui fut remarquée d'Antoine. Si vous croyez que Michel n'est pas digne de Thérèse, c'est que vous le jugez seulement sur l'apparence qui a pu vous déplaire, et justement, j'en conviens, car il s'est montré bien sauvage avec vous. Mais au fond, je vous affirme qu'il vaut Thérèse, et que pour moi je n'aurais pas souhaité un autre fils que lui. C'est tout dire en un mot. Mon parti arrêté, j'eus une explication avec Michel, et franchement, je le prévins de mon projet. Je ne m'étais pas trompé dans certaines remarques qui m'avaient frappé. Michel aime Thérèse. Quoi de plus naturel? Ils ont été élevés ensemble, elle a grandi près de lui, il a appris à la connaître, il l'a aimée. Il me l'avoua avec une franchise égale à celle que je mettais à le consulter. Il était l'homme le plus heureux de la terre. Cependant, quand je lui dis qu'il pouvait adresser sa demande à Thérèse, cette joie tomba, et il me pria de la consulter moi-même avant tout. « Communiquez-lui votre projet, me dit-il, et si Thérèse s'y montre favorable, je lui parlerai. Je serais trop malheureux si elle me disait elle-même qu'elle ne m'aime point. Si elle me refuse, je veux qu'il me soit possible de rester pour elle ce que je suis en ce moment, son frère, et non un amoureux dédaigné, un mari refusé. » Il y avait du bon dans ce que demandait Michel. Je parlais donc à Thérèse de mon projet sans lui dire que j'en avais fait part à Michel. Mais je n'eus pas avec elle le même succès. Elle me refusa, et tout ce que je fis pour la décider fut inutile. « Et que vous dit-elle pour expliquer ce refus ?» demanda le colonel. « Qu'elle ne veut pas se marier. » Le colonel hésita un moment, puis, enfin, il risqua la question qu'il avait sur les lèvres. « Et aime-t-elle quelqu'un ?»« Je n'en sais rien. » « Et c'est précisément pour le savoir que je m'adresse à vous, pour que vous l'interrogiez, pour que vous la fassiez parler, moi, vous. Elle a confiance en vous. Pour vous, elle a de l'estime, de l'amitié, comme elle n'en a jamais eu pour personne. Après moi, vous êtes à ses yeux le chef de la famille. Si elle parle, ce sera vous, et non à un autre.